première victime. Troisième essai. Yeah, yeah. Petit blanc, danse mon noir, je ne veux pourtant pas être comme Michel Blanc. Moi ce que je veux c'est un beat pour faire un su à la taille de ma bite. Mon flow est customisé chez Karouf, n'empêche qu'un rap de mec aisé ça me rend ouf. Yeah. Sur ma youf, que des rimes de ouf, de ma plume coulent les mots. Une mutinerie pour faire couler le rap français. Yeah. Grâce à mon RAP, je vis 10 fois mieux que les gars de la RATP. Y'a aussi Lil Kish, un blaze auto dérisoire. Claire Chazal, on pourra bientôt aux infos du soir. Yeah. Bref, un tandem de choc, sismique et le choc. Sur l'échelle de Richter, une secousse niveau 7, 7000 corps par terre. Tu appelles ça comme tu veux, c'est pour moi un son qui tue. Le rap français, on le nique jusqu'à l'orgasme. Ben tu sais, c'est son plus grand fantasme. Yeah. Ok, là, Kish. Lil. Matin comateux, matin où j'ai la rage pour changer l'habitude. Matin où je vais rapper pour oublier la lassitude. Matin où je me roule un stick pour prendre un peu d'altitude. Matin où je te balance des lyrics fraîches pour te montrer mon passé rude. J'écris à la lumière d'un briquet, j'écris pour te montrer que j'ai des capacités. J'écris pour te dire que cette pute de France je l'ai baisée. Admirer le fugitif, c'est la quiche qui fait briller le mic. Qui lui se donne à redorer le blaze. On représente de talent loin d'être naze. Pendant que toutes ces tasses pendant qu'ils se font piner. Nous foncer, on consomme des tasses, mais avec nos mains pour se vider. Vider nos idées de rageux pour consolider. Moi c'est dur à pander, tu en voulais, il t'a suffi de demander. Sur cet instrument, je viens kicker. Ce round de boxe, c'est la droite que je dois envoyer. À ce putain de boyer qui m'a taillé et renvoyé. Trop de haine à dégager. Toi même tu sais, je viens pas pour faire mon spectacle, mais exprimer des idées sensées. Yeah. La Kish, ici. Featuring MKE, MC K1-2. Comme tu sais. Si je le passe le mic, il te le prouvera en 2-2. Si, avec si. Un flow équivalent du dangereux. Ok. Yeah, yeah. Si, si. Ok. MKE, toi même tu sais, bête de sérum, de vérité. Ouais, c'est trop les.